Troisième partie, chapitre 3, troisième section, le sixième et le neuvième commandement. Que nous défend le sixième commandement ? Tu ne feras pas d'impureté. Le sixième commandement, tu ne feras pas d'impureté, nous défend tout acte, tout regard, toute parole contraire à la chasteté et l'infidélité dans le mariage. Que défend le neuvième commandement ? Le neuvième commandement défend expressément tout désir contraire à la fidélité que les époux se sont jurés en s'unissant par le mariage. Il défend aussi toute pensée coupable ou tout désir d'acte défendu par le sixième commandement. L'impureté est-elle un grand péché ? C'est un péché très grave et abominable devant Dieu et devant les hommes. Il avilit l'homme à la condition des animaux sans raison, l'entraîne à beaucoup d'autres péchés et de vices, et provoque les plus terribles châtiments en cette vie et en l'autre. Toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit contre la pureté sont-elles des péchés ? Les pensées qui nous viennent à l'esprit contre la pureté ne sont pas par elles-mêmes des péchés, elles sont plutôt des tentations et des excitations au péché. Quand est-ce que les mauvaises pensées sont des péchés ? Les mauvaises pensées, même quand elles ne sont pas suivies des faits, sont des péchés lorsque nous leur donnons occasion d'une manière coupable ou que nous y consentons, ou que nous nous exposons au péril prochain d'y consentir. Que nous ordonnent le sixième et le neuvième commandement ? Le sixième commandement nous ordonne d'être chastes et modestes dans nos actes, nos regards, notre maintien et nos paroles. Le neuvième commandement nous ordonne d'être chastes et purs même intérieurement, c'est-à-dire dans notre esprit et notre cœur. Que convient-il de faire pour observer le sixième et le neuvième commandement ? Pour bien observer le sixième et le neuvième commandement, nous devons prier Dieu souvent et du fond du cœur, être dévots à la Vierge Marie, mère de la pureté, nous rappeler que Dieu nous voit, penser à la mort, au châtiment divin, à la passion de Jésus-Christ, garder nos sens, pratiquer la mortification chrétienne et fréquenter les sacrements avec les dispositions convenables. Que devons-nous fuir pour nous maintenir dans la pureté ? Pour nous maintenir dans la pureté, il convient de fuir l'oisiveté, les mauvaises compagnies, l'intempérance, d'éviter les images indécentes, les spectacles licencieux, les conversations dangereuses et toutes les autres occasions de péché.